À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, le leader national du Parti travailliste mexicain Alberto Anaya Gutiérrez a fait parvenir le 5 un message au maréchal Kim Jong-un. Le dessinateur a noté que brillante à jamais l'idée sur la révolution du Sengun et les exploits mortels du dirigeant Kim Jong-il en la matière, grâce au maréchal Kim Jong-un, successeur fidèle de l'œuvre révolutionnaire de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Il a exprimé du soutien absolu et de la solidarité ferme à l'œuvre juste du Parti du Travail de Corée et de son peuple. Pour finir, il lui a souhaité sincèrement de plus grands succès dans son travail responsable et formulé ses meilleurs vœux.